Voilà, donc bonjour tous à vous toutes, il est 13h passé de 30 minutes, et bien le retour avec comme chaque vendredi après-midi avec l'émission Souvenir. Voici donc plusieurs chansons différentes. Voilà donc juste à l'instant on a pu débuter l'émission avec la musique tropicale. Voilà, toi aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée, puis vous allez continuer de passer tout simplement l'après-midi, tout simplement aussi en musique. Voilà, donc, que je vous laisse avec le groupe collectif Métissé, et puis suivi tout simplement de Luana, et puis aller en duo. Makala. Sure. Voici donc l'image, les démons de minuit. Simplement Alvaro Sola avec le titre Sofia, issu bien ainsi de Corona. Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo

Contamos contigo. Une organisation à Radio Arc-en-Ciel. Voici notre groupe, Modern Talking, Human Heart, Human Soul, et puis juste après, Gala. l'essentiel. Na minha mesa, sentado à lareira,

essentiel. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Meu bando todo me chama de caqui. Vis faltou esse. Eu não sei como, mas comigo deu. Olhem que a fama faz, olhem que a fama traz. Amigos ontem, hoje são rivais. Não somos iguais. Lutas comigo até morto não estás. Fica distante, estás bem onde estás. Eu tô fazendo o que tu falaste demais. Se não for mais chique, todo gangue dá X. Ela tem que ser chique, ela tem que ser chique. Jogo todo dominado, tão fazer queixinhas. Tão todos no cafrique, tão todos no cafrique. Eu fiz um som pra meu ovo, mas deu mais culpa do som. Gang fora do controle, até tu se é perigo. Trap tem novo de nós, são fodas tipo no pano. Da EDP tá com rancor, novo da muda, ela falando you pro. Liga sem inveja de mim, mas essa inveja não vai me fazer desistir. Não tenta me confundir, acabo com a tua carreira enquanto bebo um gin. Já não consigo dormir, eu não devo ser humano, tipo só machine. Da forma que eu tô cuspindo, não tem como ser humano vir e não curtir. Todo mundo já sabe que tem muitos chachos. Tô a fazer meu money, money, isso é esculacho. No meu time é tudo, está meu clique, espaço. É. Não tenta me confundir, porque nós só estamos a pau. Não tenta me confundir, porque nós só estamos a pau. Nós continuamos a controlar o Black. 03 é o código. Voici donc Madonna avec La Isla Bonita. Oh, Voici donc un petit coup à Véro, voici donc Céline Dion et Goldman. Le titre Ziggy. essentiel. Voici donc Baltimora, Thousand Boy, et puis juste après Laura Bangam, Self Control. Oh, Radio Arc-en-Ciel. Voici du zouk et puis juste après Phil Collins. Viens couper décalé. Les gens sont en train de couper décalé là-bas. Oh, prudence, y'a. Ça aussi, ça inquiète les gens. Coupé, coupé. Ils sont en train de gâter nos coins là-bas.

prévu de se marier un dimanche à Bamako, mais... Si ce n'est pas, non, hey, si ce n'est pas, si ce n'est pas ce que tu voulais, désolé bébé. C'est comme ça, aucune meuf sur terre ne pourra me changer. Tu n'es pas la première personne à avoir essayé. Pardonne-moi si j'ai une personne trop déraillée. Viens poser tes fesses, comme dans la caisse. Vas-y, on se casse, mets ta ceinture, c'est pas crash test. Moi, sur sa cuisse automatique, je passe pas les vitesses. J'accélère, on a la tête posée sur la tristesse. Toute la nuit, les pneus brûlent sur la route 66. Inconscient, on a pris le volant sous drogue et tease. Accélère, accélère, me dit ma montre suisse. Attends pas la cérémonie devant Elvis. Je ne te veux pas devant le pasteur, devant l'imam ou ton frère. Baby Marie, on ouvre à Las Vegas. Qu'est-ce que ça changera notre amour si je te dis. Voici donc pour les émissions, donc à partir de 18h jusqu'à 19h, Voisir West, oui, Manu avec tout simplement son émission Découverte, et puis juste après lui, vous allez retrouver Albino entre 19h jusqu'à 22h. Demain samedi, à partir de 9h jusqu'à midi, avec Christine. Et puis pour le dimanche, donc à partir de 8h jusqu'à 10h. Avec Alexandre et Mathieu. Et puis juste après, tout simplement entre 10h jusqu'à 13h, midi, avec le téléphone sonne, tout simplement. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. C'est mieux que la Marseillaise. Par où tourne, mais dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Et tous les samedis dans nos pivales, y a de l'entrain comme au bon vieux temps. Par où tourne, mais dans nos campagnes, on danse le folklore comme avant. Et tous les samedis dans y a de l'entrain comme au bon vieux temps. Les cabrettes sonnent en Auvergne, l'accordéon résonne en Corée. Danser, c'est mieux que la Marseillaise. Voici donc Alain Chaffort, Manu Reva. Oh,

Voici donc Géro avec Les Jardins du Ciel, et puis juste après, Oh, quelle nuit de Jean Distel. Avec une jolie femme, t'as voulu te venger et tu n'es pas en m'attendais sur le palier en pyjama. Quand tu m'as vu, tu m'as tendu les bras. Oh, quelle nuit. Oh, oh, quelle nuit. Depuis, je t'ai prouvé que cette femme était tout simplement une de mes secrétaires. Avouer que pour me faire marcher, tu dînais ce soir-là avec ta mère. Pendant deux jours, je me suis mis à réfléchir, mais en une nuit, j'ai découvert et j'ai compris que tu es mon indispensable amour. Oh, Michel Sardou avec chanteur de jazz. J'ai marché Madison, la 5e

panique. C'est pas possible. Donc l'émission touche à sa fin. On va terminer l'émission avec Zanko. C'est un morceau latino. Voilà, donc on va se retrouver prochainement. Donc on se retrouve dimanche à partir de 13h30 pour l'émission de l'accordéon. Voilà, donc eh bien, je vous dis bon temps à tous et à vous toutes. C'est trop chiqué, je m'en fous, je veux kidnapper. Même si tes copines sont jalouses, puis je m'en fous, c'est ton bouche, je cours. Ton passe à bailler, je fais le travail. Ton passe à bailler, il va me tuer. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Ce soir, ton jaille, vas-y sur le bail. Dímelo, mami, ya me acostumbré. Dale como reggaeton, acostumbré. Qué coloría, qué fantasía. Qué chévere esta música, la mía. Alguien hay más soberana que a mí. Mueve tu cuerpo, tu anatomía. Ça trop de goût. On en fait chic, ça le fuego. Évidemment, viens pour faire le show. Si tu peux te comprendre, dis-moi dans mon lit. De FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. dire. Les airs dans les psychologique.

Me vuelvo loco.